aventure. Contre ceux qui ont la ceinture, les menottes et flingues. Excuse-moi ma patringue, t'es obligé d'avoir ça pour faire le dingue. Chacun son poulailler, ses escaliers. On n'a pas de scanner pour s'organiser. Alors imagine ce qu'on peut maîtriser. Tu sais rien toi. Tu peux pas savoir la rage que j'ai contre ces flics qui se propagent comme c'est par comète. À chaque coin de rue et ton identité, sinon la carte à vue. T'as vu le fou les pointus. C'était un soir où y'avait à boire. C'était match France-Israël rempli de désespoir. Voilà compère, je finis ma bière avec mon compère. On rentre ouvert et voilà ces stupes qui viennent nous faire la dispute. Avez-vous des choses illicites avant que je vous fouille? Car si je trouve, tu douilles. Je dis vas-y, tu peux palper, j'ai rien à me reprocher. Il regarde ma tête et veut m'accrocher. Me posticher dans ses bureaux. Ouais, ça c'est clair, il veut ma photo pour 15 euros. 16 heures de garde à vue et un tour à la CJM. Voilà ce système. Si tu fumes, t'es un problème. Comprends pourquoi j'ai la haine. Mais s'ils ont pas pris l'ADN, ils prennent en point de photo. Ils se disent voilà un nouveau toto dans les archives. Les disques durs commencent à se remplir. Voilà notre avenir. Voilà notre avenir. J'ai les mêmes goûts que toi, je bois du label 5, alors je kiffe le jack, je roule en tramway, alors je voudrais le jet privé, j'ai les mêmes goûts que toi, donne-les-moi, je serai plus en bas de chez moi, j'ai plus en bas de chez moi. Car il faut que j'explique que je suis sans mon équipe, je me tape à trip sur cette musique, pas besoin de shit pour trouver ses rimes, j'ai un charisme que je maîtrise, je tiens prise et j'achète pas ma mise. Que je maîtrise, même les bêtises, je les prends à ma guise. Moi Diggy, je représente la Normandie, je me propulse et fais de la tuerie. Associé des malfamés, peut-être camé, mais j'ai toujours la conscience concentrée. Mais si tu n'es pas de ma cité, tu comprendras vite que le rêve ici c'est de dealer. Nous à la JDD, on va pas pour revendiquer tous ces policiers qui sont attardés. Nous demandant nos cartes d'identité, alors je suis sous-sol français. Je suis sous-sol français, arrête de péder. J'ai les mêmes goûts que toi, je bois du label 5, alors que je kiffe le jack, je roule en tramway, alors je voudrais le jet privé. J'ai les mêmes goûts que toi, donnez-moi, je serai plus en bas de chez moi, je serai plus en bas de chez moi. Même toi, le conseiller tes indiques, nous vendons notre shit pour qu'il se fasse plus de fric. Le public comme ma clique n'aime pas ces flics. Je pars sur ce big de mon district, pour ces fanatiques de ma tessie. Sarkozy, viens, je t'ai préparé mon fusil. Passe à la vigerie, tu verras, y'a de la tuerie. Cette gendarmerie, on aimait bien la décorer. Du moins cramer ces voitures policiers, pour éviter de rôder dans nos quartiers. Nos populations et l'éducation que nous maîtrisons. Mais sachons que les meilleurs sont en prison, et que nous haïssons tous ces matons. Maracaï ne pense pas qu'au mal, veut sortir de cette falte, arrêter de se fight avec ces flics. J'avoue, j'y revendique, mon équipe vous explique en public. L'art de ces flics, de leurs choses maudites. C'est vrai que dans mon district, on vend du shit. Ce fric ne soit pas dans le système, car il pose problème sur la vie que j'aime. Ce thème est pour notre liberté qu'on nous a condamné. Plus droit de parler, pas plus droit dans les escaliers. Moi je dis marre de se faire exploiter, de se faire piétiner. Il faut riposter.